Il brûle le corps dans cette forêt rouge. Il sent un orbe lourd. Tu te fais souvent fumer par des mecs que tu connais. Et moi, je peux aimer ta bébé, mon foncier. Ils sortent le corps du coffre, descendent de la voiture. Je t'offre, moi c'est trop. Je t'offre, c'est un œil sur le rétro. Y remet son flingue à sa ceinture. Je pense à sa gagne, c'est mon R. On reproche à X de conduire à trop vive allure. X démarre. X attache sa ceinture, il salue et remercie les gendarmes, conscient et soulagé d'avoir évité le drame. Le gendarme numéro 2 reste silencieux. Ce flic à l'instinct, il lâche pas Y des yeux. Y se dit, ce sera tant pis pour eux. S'ils veulent fouiller le véhicule, il fera feu. Il rend à X permis, carte grise, attestation d'assurance et carte d'identité. Le central indique qu'il n'y a rien à signaler, voire comme un simple contrôle peut dégénérer. X essuie sa sueur, Y passe un mouchoir à X. Ses gouttes sur son front sont celles de la terreur. Les gendarmes retournent à leur véhicule de fonction, vérification et identification. Permis, carte grise, attestation d'assurance et carte d'identité. La vitesse est limitée à 50, vous rouliez à 60. Coupez le contact s'il vous plaît, mettez-vous sur côté. S'actionne le gyrophare, petite fille perdue, nationale tard la nuit. X fait remarquer à Y qu'une voiture les suit. X est sous tension, Y est détendu. Ce n'est pas son premier cadavre, sur coq t'as vu. Rien ne l'effraie, tu veux goûter la rue, t'en paie les frais. On l'a fait, et on ne peut pas revenir sur ce qu'on a fait. Même mort, il l'insulte encore. 2008, on fume ceux qui ne sont pas d'accord ou qui empêchent le business de fonctionner. La rue, c'est speed, c'est du fractionné. Une fois que la machine a tué, tractionné. T'as deux choix, tu payes ou t'y passes. Tu te chauffes ou tu te glaces. Tu fuis ou tu t'armes et fais face. Qu'est-ce qu'on appelle un assassin de type crapuleux qui paye pas une mine. Entre voyous et psychopathes, il a franchi la limite. Il n'imagine même pas une vie après l'illicite. Quant à X, c'est un jeune qui a grandi trop vite. Entre la petite délinquance et le grand banditisme. À 25 ans, il vient de tuer son premier homme. Et Y s'attache à lui faire croire qu'il est devenu un homme. Périph, en direction de Port-de-Percy. Un cadavre dans le coffre, 5h du mat en plein Paris. Jusqu'à ce qu'ils atteignent l'autoroute, ils n'échangent pas un mot. Tu peux appeler ça un silence de mort. Ils quittent le garage après l'avoir transporté tant bien que mal. L'instinct anima. Ils nettoient l'appartement du mieux qu'ils peuvent, espérant que le temps fera disparaître l'épreuve. Confus entre peur et jouissance, interrogation et sentiment de puissance. À ce moment précis, il sait que son premier cadavre ne sera pas le dernier. La cervelle de la victime éclate dans la baignoire. X défouraille, mais en détournant le regard, pas facile de fumer un mec avec lequel tu as grandi. Mais qu'est-ce qu'un ami pour un bandit? Les yeux de la victime implorent la pitié d'un regard sincère que peu d'hommes peuvent supporter, peuvent surmonter et faire ce qu'ils ont à faire. Comment faire taire l'amour quand l'argent t'envoie en guerre? X tient l'arme à la main d'une main tremblante. Y ouvre la porte, X et Y entrent. Y insiste pour que ce soit X qui le finisse, pour obtenir de lui à jamais le silence des complices. Y dit savoir où l'enterrer, et au point où ils s'en sont et n'ont plus le choix, faut le tuer. Si la victime s'en sortait, ce qui est peu probable vu son état, il pourrait se venger ou se ranger du côté de l'état. À moitié inconscient, la victime les entend discuter de son avenir comme s'il était déjà absent. Il le baillonne, lui ligote les pieds et les mains, le transporte difficilement jusqu'à la salle du bain. X a encore des doutes, et si jamais il n'y était pour rien, ils auraient fumé ce mec pour rien. Les impulsions violentes n'ont pas fini de faire des martyrs, et ce tant que les mecs agiront avant de réfléchir. La victime s'écroule sous la violence du coup, un pénalty dans la face, la victime est à genoux. Il prend 5, 4, 3, 2, 1, coup, couteau, dans le dos. C'est la violence, Madine Ghetto. La victime se jette sur X, le plaque au sol. Il prend une patate dans la bouche, y'a un verre qui vole. La tension monte autant que les insultes fusent. Paye, la victime refuse de se laisser faire. Il dit qu'ils n'ont se sont évaporés. Il n'était que trois à savoir où la coupe était planquée. Y'en a donc un qui veut doubler les deux autres, ou deux qui veulent en doubler un. Va savoir, le fait est que récemment X s'est pris la tête avec la victime. Au départ ça chambrait jusqu'à ce qu'on vienne les envies de crime. Faut pas trop plaisanter avec la rue, elle a la rancune tenace et les paroles crues. De plus, X n'a pas oublié qu'il y a 10 ans de cela, la victime lui avait rodka 25 G7 là. La vengeance est un plat qui se mange froid, tellement froid que parfois on s'en gêne les doigts. La victime se méfie d'Y, le guette discrètement. Il a gardé son blouson et ses gants. La victime s'explique pendant qu'X roule un joint. Y reste debout près du bar américain. Paro, sur la table basse se trouve un couteau dans un plateau contenant un gâteau découpé en part préparé par sa petite amie. Des fleurs synthétiques, une photo et du vernis. Ils refusent et leur proposent à boire. La victime méfiante préfère le suivre dans le couloir. Il planque le calibre à sa ceinture. Car le gars monte le silencieux sur le Beretta. Ils sont derrière la porte, ils sonnent. La victime se lève, répond à l'interphone. Pour la dernière fois, c'est ainsi que ça s'est passé. Dès qu'ils l'ont cessé, tu peux te faire effacer. Crois pas que la rue joue avec toi. Si tu te frottes à l'univers des Louvois, t'as rien compris, remets ce morceau au début. Mais le début c'est la fin et ça commence par t'es prévenu. T'es prévenu. T'es prévenu. T'es prévenu. T'es prévenu. Et ça fait rêve de l'oubli et c'est son lit. Et ça fait ça si ça des. Au fin aïe d'alors non fin aïe d'un aïe. Mais le smith qui va t'en s'il. Au fin aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Je peux compter les jours en attendant qu'une